Zadasyul. Panikiv. Hashtag. Gas Ultima. Et Ensemble. Quand j'étais en galère, elle était là pour moi. J'avais même pas de salaire, elle est restée pour moi. Marseille, ça devient pas l'air, moi le vent a tourné. Il m'a dit c'est mon frère, il s'est pas retourné. On va m'amener la bouteille, j'en mets une tournée. Mets le champagne dans la caisse, on est déjà platine. On a un rythme de fou, pas les autres, ils fatiguent. J'emmène la Ligue des Champions à la Bernard Tapie. On est resté en ND, interdit qu'on tapis. Fais attention, tabac, j'ai secoué les tapis. Un rythme de malade, j'enchaîne les morceaux. En vrai, c'est ce que je voulais, j'ai revenu au studio. La musique, c'est ma life, j'ai ça dans la peau. Je t'ai pas fait mentir, t'as cru en moi, mon poteau. Je touchais même pas la paix du guetteur. Je me levais, je taffais à 5 heures. Je prends ma touche, je te rappelle ta l'heure. On enregistre, on regarde pas l'heure. Je suis dans le ghetto. Pour faire les zéros, les cambules, les CB en 11, le veto. Y'a des guetteurs mobiles, mais le shit dans la selle de l'enveto. Je suis dans le ghetto. Avoir un père, c'est bien, mais d'avoir une mère, c'est mieux. T'as 10 000 œufs, c'est bien. 1 000 euros hlel, c'est mieux. Avoir un fils, c'est bien, mais l'assumer, c'est mieux. T'as le S3, c'est bien. Avec le plein, c'est mieux. Avoir 10 putes, c'est bien. Avoir ta hlel, c'est mieux. Les amantis, c'est bien. Le frigo plein, c'est mieux. T'as le pochon bleu, c'est bien, mais t'as fumé, c'est mieux. T'as le 4 anneaux, c'est bien. Avec le polo, c'est mieux. Avoir des potes, c'est bien. Tes frères, c'est mieux. Avoir de l'argent, c'est bien. Fais belle les cadets, sont vieux à ton label, c'est bien. Mais 13e mars, c'est mieux. Avoir Neymar, c'est bien. Mais avoir l'étoile, c'est mieux. T'as le disque d'or, c'est bien. Mais avant tout, y'a Dieu, vivre en France, c'est bien. Finir au bled, c'est mieux. T'envoies tes pics, c'est bien. Mais dire des noms, c'est mieux. T'es en galère, c'est rien de mettre outil, ira mieux. J'suis dans le ghetto pour faire les euros, les cambules, les CB en 11, le veto. Y'a des guetteurs mobiles, mais le shit dans la selle de l'eau veto. J'suis dans le ghetto. J'ai racheté l'USB, vas-y mets-moi la A3. Y'a du monde au showcase, machallah ça fait plaisir. Faut direction Marrakech, j'ai pris ma lotesse. Un petit coup de bzaro, j'ai fait crash la vago. Le coup je rajoute une galo, j'ai cherché le bédo. Y'a plus de chemin quand tu